Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination Série. Le dernier numéro estampillé 2025. Et comme chaque vendredi, on a une équipe de choc, une vraie équipe de choc. Et pour commencer, nous allons citer une certaine personne, autrement on va perdre une oreille comme la fois précédente. Je ne vois pas du tout de quoi on parle. À nos côtés, nous avons aujourd'hui le grand plaisir, le bonheur, la joie et l'honneur de recevoir Manon. Bonjour Manon. C'est fou, t'en fais jamais trop. Hein. Mais bonjour à toutes et à tous. La musique d'entrée, là, ça nous a mis de bonne humeur. Donc on est prêt pour un petit épisode Noël, de ce que j'ai compris. Oui, et tu peux remercier Benoît. Hein, c'est lui qui m'a donné cette pépite. Et super musique, je la connaissais pas et du tout. Je la rediffuserai en janvier, mais ça ne sera pas possible. Si seulement je l'avais eu plus tôt. Dans Destination Série, nous avons aussi Sylvain, le maître du son. Bonsoir Laurent, le maître, je sais pas, mais en tout cas amateur éclairé, oui. Content de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année. Et nous aussi, à ma gauche, j'ai une personne qui fut une sublime Blanche-Neige et elle ne parlera pas. Pourtant, elle a un beau micro rouge, elle ne parlera pas, mais bon, sachez qu'elle est là, elle s'appelle Camille. Et je ne vais même pas dire bonjour. Et voilà, c'est une femme exceptionnelle et comme toute femme exceptionnelle, elle reste dans l'ombre et c'est tout à son honneur, on ne va pas trop la perturber. Et bien sûr, je le dis depuis des années, sans lui, Destination Série ne serait pas Destination Série et sans lui, les musiques de Noël ne seraient pas les musiques de Noël vu ce qu'on a eu la semaine dernière, donc je veux bien parler de Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, pour ce nouveau numéro de Destination Série, ça aurait pu être la joie, mais nous avons appris mercredi une mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle concerne une série culte. Alors Manon et Camille, c'est même pas la peine. Mais là, je parle de ceux qui ont 40-50 ans. Souvenez-vous, dans les années 80, une série de science-fiction pilotée par Glenna Larson débarque. Et cette série fera fureur dans le monde entier. En France, on décidera de doubler quelques épisodes, pas l'intégralité des deux saisons. Et c'est sûr qu'à l'époque, on avait des responsables qui étaient vraiment des génies. En 1984-85, dans ces eaux-là, on découvre à la télévision française une série qui s'appelle Buck Rogers au 25e siècle. C'est la fin de semaine, je vous rappelle. C'est bientôt les vacances, t'inquiète. C'est bientôt les vacances. Buck Rogers au 25e siècle. Et cette série, je l'ai dit, était pilotée par Glenn A. Larson. Et dans le rôle-titre, c'est un acteur qui ne m'a jamais quitté. C'est Gilles Gérard, l'inoubliable Buck Rogers. Alors j'aurais pu vous en parler comme je vous en ai de nombreuses fois parlé dans Destination Série. Mais vu que maintenant, j'ai la chance et l'honneur d'avoir un maître à mes côtés. Donc c'est lui qui va s'occuper de ce sujet, de rendre hommage à cet acteur qui a été un acteur d'un seul succès en France, Buck Rogers, dans le monde entier. Enfin, il y a eu quand même le Chevalier Lumière, je ne sais pas si tu veux en parler, avec le petit karatéka à ses côtés, c'était dans les émissions de Disney. Alors, on avait découvert cette série. Gilles Gérard a tourné dans 19 films quand même et une vingtaine de séries télé. Mais il a marqué Buck Rogers à jamais. Voilà. Mais ouais. Je ne me souviens pas qu'il avait fait 20 films et 20 séries. Incroyable. Moi, je me souviens qu'il avait participé à La Petite Maison de la Prairie. Oui, il avait eu pas mal de second rôle. Mais le succès véritable dans le monde entier a été avec cette série américaine de science-fiction. Alors, c'est sûr qu'avec les années, maintenant, les effets spéciaux ont un peu pris un coup dans les carreaux. Mais j'ai regardé le film hier. Et ne serait-ce que pour avoir le bonheur et le plaisir de le revoir, ce fut une belle soirée. Donc, vous l'avez compris, l'hommage suite au décès de Gilles Gérard, l'hommage à Gilles Gérard, ce sera dans Secrètement Vôtre, entièrement piloté par Sylvain. Mais pour le moment, nous allons reprendre le cours normal de cette émission avec le rétroviseur. Alors, la question que tout le monde se pose, à l'heure actuelle, derrière son poste, c'est est-ce que Camille va intervenir pour donner son avis ? Eh bien, vous aurez la réponse dans quelques instants après ce jingle. Le rétroviseur 2.0. Le rétroviseur 2.0, c'est les 5 séries qui ont cartonné cette semaine. Donc je vais vous donner, comme chaque semaine, le casting dans le désordre. À vous de me le remettre dans l'ordre. Alors, est-ce que vous avez regardé déjà la télé, la TNT cette semaine? Alors moi, j'ai fait du rattrapage sur Monte Cristo, comme on avait promis. Oui. Oui, moi aussi. J'ai regardé, oui. Pas tout regardé. Pas j'ai tout regardé non plus. J'ai regardé 2 épisodes. Oui. Oh, je t'ai battu. Bon. Mais c'est pas le thème du rétroviseur. Voilà, voilà c'est pas voilà. Le thème du rétroviseur. Donc, oui, mais voilà. Voilà, on en reparlera peut-être à l'occasion. Mais à part ça, j'ai pas regardé grand-chose, à vrai dire. Voilà. Et Manon, pareil. Manon, moi, elle a regardé quoi? Rien regardé. Vraiment, elle a rien regardé. À part la Starac, rien du tout. Et donc, Camille, en langue de signe. Ah, on a entendu un petit son. Donc, voilà, on est bien barré. Hein. Donc, voici le casting dans le désordre. Après, Astrid et Raphaël, meurtre au pays catalan. Nous avons Panique au... Oh, oui, j'ai mis Panique au grand magasin parce que c'était le deuxième. Ah si, j'ai regardé ça. À Panique le 31, je sais plus quoi. Ouais. Et ouais, je me suis dit, comme on prend les suites, les télésuites de France 3. Non, non, c'est pas ça parce que j'avais autre chose à mettre. Hein. Mais d'accord. Moi, comme j'ai bien aimé. Oui, je l'ai regardé aussi. Ouais, j'ai bien aimé. Donc je me suis dit, je vais me faire ce plaisir c'est là. Pas tout à fait orienté du tout parce que j'ai bien. Oui, okay. Non mais parce que 17e, mais enlevé dans le rétroviseur. Moi, je voudrais rendre hommage à l'agent de sécurité de ce téléfilm. Non, c'est vrai, il est fou. Et lui, franchement. C'est une pépite, surtout au moment où son patron lui dit il faut que tu surveilles les gens qui volent. Et là, tu le vois qui regarde au plafond. Tu fais quoi là? Je cherche les gens qui volent. Et là, moi, ça m'a embarqué. C'était con, mais qu'est-ce que j'ai rigolé. Ouais, franchement, c'était drôle, une bonne découverte. Bon, après, non, c'est pas le film de l'année non plus. C'est pas le film de l'année, mais quand tu sais qu'ils ont écrit ça plus rapidement que le précédent, celui-là était mieux. Enfin, je trouve. Donc j'en étais où? Panique au grand magasin, Tom et Lola et la célébrissime Capitaine Marlowe. Donc la question que je vous pose, déjà vous n'êtes pas perturbé par ma petite incarta, ça va? Non. Donc en cinquième position, vous mettez qui? Moi je mettrais Astrid et Raphaël en premier. Oui mais là on parle de la plupart. Oui mais non, on bah, fait allez, dans peut-être, le peut-être. C'est la dernière. Oui. On va faire un numéro original. Peut-être. Donnez-moi le premier. Discutez du classement et on va partir du premier si vous voulez. On part du premier, enfin, du deuxième, du troisième. Bah, donc en premier vous mettez qui? Astrid. Mais oui. Ouais, Astrid, raison, on est d'accord. C'est définitif. Donc après, Astrid en premier. En deux je mettrai Tom et Lola. C'est bien classé ça. C'est toujours bien classé. Panique au grand magasin, ça a pas fait beaucoup. Après les meurtres. Les meurtres marchent toujours. Hein. Panique, je mettrais ça en 4. Et puis, c'est quoi le reste? Il resterait quoi? Donc, si on met. Meurtre. Meurtre en pays catalan. Oui, mais je remettrais ça en 3ème. Après, je mettrais en 4 Panique. Et en 5, celui qui reste et qui reste. Vera? Non, Vera. Vera, les enquêtes de Vera. Non, Vera n'est pas dans le. Voyageur. Elle est 6ème. Non, c'est qui? On a Astrid et Raphaël. Oui, alors on a mis en 1. Après, on a mis Tom et Lola. En 3, on mettait Meurtre à machin. Panique au grand magasin. Panique au grand magasin. Et après, c'est qui le cinquième? Il reste un. Il en a donné 4. Capitaine Marlowe. Ah, Capitaine Marlowe, mais c'était une rediff, non? Oui. Ah, c'était une rediff. Ouais. Ça peut quand même faire un peu quelque chose. Ouais, hein. Bah oui. Et ben alors. Camille, tu es d'accord ou pas? Oui. Mais Meurtre. En cinquième, pas Meurtre, Panique au magasin. Là, ouais. Oui. Ouais. Alors donc en premier, on va partir de la première place puisque vous voulez partir de la première. Astrid sûr. En premier, vous mettez donc Astrid et Raphaël. Oui. Non, c'est pas ça. C'est Panique? Non, c'est pas Panique. Je suis déçu. 3. Allez. Non, c'est quand même pas le Capitaine Marlowe en rediff qui aurait fait. Non, Capitaine Marlowe est leader cette semaine à 4 341 000 téléspectateurs. La France va mal. Presque 26% de part de marché. C'est pas possible. Qui est deuxième? Astrid. Astrid, du coup. Non, Astrid n'est pas deuxième. Tom et Lola, alors. C'était rediffusion, Astrid? Non, c'est la fin. C'est la fin. C'était la fin. Donc Tom et Lola, quand même. Là. C'est pas Tom et Lola. Ah, c'est Panique? Meurtre. Non. Meurtre. Oh. Encore les meurtres. Meurtre machin. Au pays catalan. Oh, on n'en peut plus. 4 059 000 téléspectateurs. À chaque fois, on le met en bas et c'est tout le temps en haut. Hein. On se fait avoir à chaque fois. Dos pour la fin d'année, mon Dieu. En troisième position, nous avons qui? On va peut-être quand même bien avoir Astrid. Astrid, quand même, là. Astrid et Raphaël est troisième. 4 011 000 téléspectateurs. Donc qui après, est quatrième? Tom et Lola. Non. Ah non. Panique au grand magasin. Ouais. Et quatrième à 3 905 000 téléspectateurs, 20% de part de marché. Voilà. Et on en a dernier, fait tout faux. Hein. Nous avons Tom et Lola à 3 435 000. C'est rare qu'on se trompe autant. À ce point-là, oui. À ce point-là, c'est quand même rare. Donc, Donc ça nous donne Capitaine Marlowe en premier, en deuxième nous avons Meurtre en pays catalan, en troisième Astrid et Raphaël pour un final punaise, ouais. En quatrième Panique au grand magasin et en cinquième Tom et Lola. Et t'as donné les audiences de Panique ? J'ai pas entendu. C'est... Panique, on était à 3 905 000 téléspectateurs, 20% de part de marché. C'est un petit peu moins que l'autre, mais c'est quand même pas ouais, mal. Ouais, c'est quand même pas mal. Un peu plus. Moi, vu le résultat, c'est bien payé. Ouais, c'est franchement, c'est... Okay. Parce que franchement, c'est... moi, j'ai passé une belle soirée. Oui, c'est vrai, c'était moi, très détendant. Quand allez, je voulais regarder. C'était détendant, c'est ça que ça dit ouais. Quand, dis pas. Quand il faut appel à l'artisan... Et que, bon, j'ai anticipé, hein. Et il avait transformé tous les rideaux des stands d'essayage. Il avait mis des rideaux transparents. Ah, mais j'ai vu cet extrait. Alors. Moi, la bande annonce montrait beaucoup. Hein. Oui, ouais, il y avait ouais. beaucoup dans la bande annonce. Bah, moi, c'est ce qui m'a donné envie de regarder. Donc, Ah, le fait d'avoir les rideaux transparents, c'est non. ça qui t'a donné. Ok. Non, la bande annonce. Ah, alors là, on a appris un truc. Il avait anticipé sur quoi pour les rideaux transparents, du coup? Pour les vols, pour éviter ah, les oui, vols. Oui, c'est ça. C'était pour éviter les vols. C'est pas mal, ça, c'est vrai que c'est... Non, mais c'était un délire. Mais c'était sans nom. C'était sans nom. Tu prends l'agent de sécurité à un moment donné qui a un dialogue avec le voleur, mais qui est lunaire. Et vous m'avez chopé trop tôt, là. À quelques mètres plus loin. C'était bon, c'était un flagrant délit. Mais là, je suis encore dans le magasin. Non, mais c'était excellent. Il y avait l'extrait qu'on voit dans la bande-annonce aussi avec Nikos. Oui. Ah oui, oui ouais. Quel pays? Nikosland ou Nikos, je sais pas ce que c'est. J'avais dit ça du temps, Nikosland. Pourquoi il est petit, Nikos? Bah, tu lui enlèves les talonnettes, il fait 1m20. Non, mais franchement, c'était pas mal. C'est vrai. Parce que c'est là, vrai. Je suppose qu'ils avaient joué quand même, ils avaient mis, comment il s'appelle, celui qui était à côté de lui, là, le jeune, il devait être sur une estrade. Oui, parce que Nikos, il est pas si petit que ça. Non, c'est pas possible. Si ça, non. Ils avaient fait un effet d'échelle. C'est... Non, franchement, c'était excellent. Eh ben, à revoir si vous ne l'avez pas vu pour vous détendre pendant ces vacances sur TF1+. Voilà, pour une fois qu'on se dit, c'est intéressant TF1+. Qu'on vante les mérites de TF1+. Hein oui, voilà. Non, n'hésitez pas, vous allez vous marrer. Dans quelques instants, nous allons accéder à un nouveau Secrètement Vôtre, un hommage à Gilles Gérard. Mais pour le moment, on retrouve mon chouchou avec une chanson de circonstance qui va ravir tout le monde, et moi en premier. Tous les vendredis dès 18h sur Fadjet, Destination Série. Look at all the people passing me by, all in a hurry, I wonder why. They miss the spirit, they don't look at the lights, shopping like crazy for the big night. I laugh and take a walk in the snow, I take it easy just because I know what I'm getting. Kisses for Christmas is all I want from you. Don't want them wrapped in fancy paper, just give me your lips, I know what to do. Kisses for Christmas is what you get from me. No last minute shopping, just kiss me right under the tree. Kisses for Christmas. See the snowman with the carrot nose. Children are happy now that it snows. They all have an endless list of toys, Barbies for girls, games for the boys. But I don't care about material things, I know already what Santa brings. I know he brings me. Kisses for Christmas is all I want from you. Don't want them wrapped in fancy paper, just give me your lips, I know what to do. Kisses for Christmas is what you get from me. No last minute shopping, just kiss me right under the tree. I close my eyes, I count to three, I know exactly how sweet it will be. Don't ever stop, can't get enough, just do it and show me your love, your love. get from me. No last minute shopping, just kiss me right under the tree. Kisses for Chrissy. Imaginez un type tout à fait normal qui se réveille un matin avec plusieurs siècles de retard. Un uniforme trop serré, faute de budget, des gadgets improbables et un futur qui lui demande d'être un héros sans lui avoir laissé le mode d'emploi. Ce soir, dans Secrètement Vôtre, on parle d'une série née à une époque où l'espace était à la mode, où les génériques faisaient vibrer les synthés. Vous allez découvrir comment un acteur peu branché fusée s'est retrouvé propulsé icône cosmique. Pourquoi le costume brillait plus qu'il ne respirait. Bref, attachez vos ceintures temporelles, Sylvain vous ouvre les portes d'un futur arrivé trop tôt et reparti beaucoup trop vite. Une minute, j'arrive, une minute. Oh. Allô ? Oui, j'écoute. Que fait-on ? Il faut avoir l'air naturel. Chut ! Pas de bruit. T'es prêt ? Ah oui ? Viens, ton Altesse. Qu'est-ce que tu fais ? Je barricade la porte avant leur arrivée. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Si jamais, je vais mourir propre. Si tu entends des chocs sourds, ne t'inquiète pas. C'est mon cœur. Et maintenant, on retrouve la rubrique « Secrètement vôtre », présentée par Sylvain. Bienvenue dans Secrètement Vôtre. La chronique qui farfouille dans les coulisses des séries, comme les chats de Laurent dans un carton vide. Ici, on révèle les secrets que même les figurants n'osent pas murmurer à la cantine. C'est parti. ⁇ 1987. La NASA lance le dernier de ses grands vaisseaux spatiaux. Pris dans une tempête cosmique, Ranger 3 et son pilote, le capitaine William Buck Rogers, sont déviés de leur trajectoire et placés sur une orbite qui gèle son système de soutien de vie et ramène Buck Rogers sur Terre quelques 500 ans plus tard. Et oui, on reconnaît la musique de Buck Rogers dont tu as parlé au début. C'est Buck Rogers au 25e siècle, le nom exact de la série. Et elle a été diffusée aux États-Unis entre 1979 et 1981. Il y a eu 2 saisons, dont une seule doublée en français, et 37 épisodes. Alors, le nombre d'épisodes, ça varie parce qu'il y a des épisodes coupés en deux. Enfin, voilà. Il y a des petites variations sur le nom, on n'est pas tous d'accord, mais on va dire 37 environ. La série est inspirée du personnage de comics qui a été créé en 1928 par Philip Francis Nolan, produit par Glenn Larson pour la télévision, et ça a été un succès à l'époque. Alors, pour la petite histoire, c'est un homme du XXe siècle qui se retrouve projeté dans le futur lointain après un événement qui le plonge hors du temps. Dans ce monde régi par des technologies avancées et de nouvelles formes de pouvoir, il doit apprendre à survivre tout en aidant une société qui ne comprend pas encore. Entre aventure, humour, science-fiction optimiste, la série explore le choc entre un regard humain très contemporain et un avenir imaginé à la fin des années 70. Alors ce qu'on sait un peu moins, c'est que Buck Rogers, avec le temps on a un peu oublié, mais il y a quand même eu 3 jeux de société, 3 jeux vidéo, 3 romans, un coffret DVD, le dernier en 2016, qui est quand même l'un des meilleurs, car il y a tout qui est restauré et en intégrale. Et pour terminer sur les petites anecdotes rapides, il y a également des guest stars comme Jamie Lee Curtis, Peter Graves et Gary Oldman, Arnold et Will. Oui. Ouais, ça, c'était pour les guests les plus connus. La musique qu'on a entendue tout au début a été composée par Stu Phillips et arrangée par Johnny Harris. Glenn Larson a dû mettre sa petite patte dedans parce qu'il est musicien, on le sait maintenant depuis longtemps dans la rubrique. Il a sûrement participé à cette musique. Le pilote... Et la musique, je trouve qu'elle vieillit bien. Alors oui, parce qu'elle est un peu restaurée aussi. Comme d'habitude, j'ai un peu réarrangé la musique. L'original que j'ai mais passé... Mais il était correct, j'ai entendu, j'ai cru que ça aurait été moins bien, effectivement. Mais non, ça va être trouvé une bonne version. Mais il n'y avait pas le générique français vraiment dedans. Ah non, voilà. Le générique pétique français... C'est là où c'est plus difficile, refaire les morceaux. Donc, comme on avait parlé juste avant, il y a un pilote, effectivement, de cette série qui dure 2 heures. Et il y a eu une adaptation au cinéma, dans plusieurs pays, d'ailleurs en Europe et dans les pays asiatiques, avant d'être cette série. Et ils ont refait le découpage pour en faire 2 épisodes et commencer une série télé parce que ça a eu un vrai carton à l'époque, ça avait très très bien marché. Et comme tu l'as dit au début, c'était basé sur une bande dessinée. Donc aux États-Unis, c'est plus mythique qu'en France, parce que dans les années 50, les Américains avaient découvert ce personnage en BD. C'est comme sur Tintin, on n'a pas débarqué de la Lune parce qu'il y avait les BD avant. C'est ça. Voilà. C'est vrai qu'il y avait un background intéressant aux États-Unis qu'on n'avait pas, mais ça a marché quand même en France. La preuve, on s'en souvient encore tous les deux. Oui. Alors, on parlait effectivement de Gilles Gérard, qui est donc l'acteur qui incarne Buck Rogers. Et il n'était pas fan, en fait, de SF avant de tourner dans cette série. Ça l'a propulsé, effectivement, dans cette série. Il avait une carrière plutôt typée western et série policière. Et il acceptait le rôle sans être un lecteur, effectivement, assidu de SF. Et ça a surpris les producteurs. Mais son naturel, terre à terre, il a été jugé parfait, en fait, pour jouer un héros à un futur inconnu. Alors, le rôle de Buck Rogers a failli arriver à un autre acteur. Avant Gilles Gérard, Larson, pour les puristes, voulait donner le rôle à Kurt Russell, entre autres. Mais Kurt Russell, à ce moment-là, il en avait un peu marre de faire de la télé, il voulait passer au grand écran, et il a très bien fait, à mon avis. Mmh. Il y a eu également dans les personnes il y avait Jack Palance, et également Lorne Greene, qui joue le célèbre Adama dans Galactica. Exactement. Jack Palance, il aura quand même un rôle. Il jouera en second rôle. Quand les essais ont été faits, en fait, la chimie n'était pas là avec ses acteurs et les producteurs ont opté pour Gilles Gérard qui apportait effectivement une fraîcheur inattendue. Alors la genèse, on s'en doute un petit peu, on était en plein Star Wars à l'époque et le pilote télé fut commandé justement juste après la trilogie Star Wars, en tout cas les tout premiers épisodes, et ils ont cherché à capturer effectivement tout ce qui est science-fiction de l'époque, mais en faisant aussi du Star Trek mais en plus light. Voilà, ils ont fait un peu un mélange et ils surfaient sur la vague en fait. Oui, parce qu'il y avait quand même pas mal d'humour. Le film que j'ai vu hier, ça vaut le détour. C'est détendu. C'est détendu. C'est de la science-fiction feel good et familial. Tu peux regarder ça en famille. Ça mélange l'humour, effectivement, aventure, aussi des gadgets futuristes. Oui. Et c'est vraiment ce qu'ils recherchaient les studios à l'époque pour faire un succès, de toute façon. Bah, de toute façon, copier Star Wars au cinéma, c'était dangereux. Donc il fallait trouver un angle pour utiliser l'appétit des gens pour la SF et être sur un autre chemin. Moi, je trouve que ça a marché. Gilles Gérard a été aussi impliqué dans des décisions créatives. Contrairement à ce qui se faisait parfois, en fait, l'acteur n'était pas simplement un interprète. Il s'est aussi entretenu avec les scénaristes pour développer le ton du personnage. Il voulait un Buck Rogers qui soit pas juste un héros invincible, mais aussi quelqu'un avec une vulnérabilité. Et ça a influencé effectivement aussi les dialogues. Alors, on parlait du costume dans ton introduction. Alors, il n'était pas très facile à porter pour plusieurs raisons. Je vais en citer une première qui fait sourire, c'est que Gilles Gérard avait des vrais problèmes de poids. Il n'arrêtait pas de grossir ou de maigrir et ça énervait les producteurs parce qu'il ne rentrait pas dans les costumes. Il était tout le temps en train de les remanier, ce qui fait qu'il est souvent boudiné dans ses costumes. Mais en plus, le tissu était peu respirant. Le col était rigide et ça créait des tensions au niveau de la nuque. Et l'acteur a raconté en fait qu'il faisait des pauses régulièrement entre les prises parce qu'il n'arrivait pas à respirer à l'intérieur du costume. Oh, ça fait rigoler maintenant parce qu'on est un peu évolué là-dessus, mais à l'époque, il se faisait vraiment du mal. Buck Rogers a aussi une influence directe sur les autres séries SF des années 80, en fait. Ça a inspiré plusieurs éléments de Galactica 1980, pas la dernière, la première version, également V, Star Trek The Next Generation, notamment pour les jeux de couloirs futuristes, les interactions humains et IA. Enfin, voilà, ça a vraiment amené quelque chose qui a été recopié après. Oui, parce qu'on parle beaucoup d'IA maintenant. Mais dans cette série-là, le docteur Huer, il dialogue avec des scientifiques qui sont dans des ordinateurs, ou alors il y a un super ordinateur, une intelligence artificielle. Pour l'époque, c'était innovateur. Comment ils ont pu penser à ça? C'est ça. Ça pouvait exister un jour, oui, effectivement. Donc la série, malheureusement, n'a duré que 2 saisons et elle a marqué effectivement l'esthétique SF des années 70 et début 80. Alors Gilles Gérard a repris son rôle plusieurs fois après l'arrêt de la série. Il a fait des apparitions dans les conventions, des interviews, mais aussi des BD dérivés où en fait il apparaît dedans et des projets audio aussi non officiels impliquant Buck Rogers. Alors ça témoigne effectivement de l'attachement de l'acteur à son personnage et il a toujours parlé de Buck Rogers jusqu'à presque sa fin et même longtemps après l'arrêt de la production de toute façon. Alors dans les années 90-2000, Gilles Gérard a été franc par rapport à une période difficile de sa vie. Il a eu des problèmes de santé, des problèmes de dépendance. Il l'a surmonté à l'aide de ses proches, mais il n'a pas caché que l'amour des fans de Buck Rogers avait joué un rôle significatif dans sa motivation à aller de l'avant. Je pense que ça l'a porté de savoir qu'il y avait toujours des gens qui le reconnaissaient et qui adoraient ce qu'il avait fait à l'époque. C'est vraiment une vraie reconnaissance des années plus tard. C'est un aspect humain fort, effectivement, et derrière le héros cosmique, c'est un homme réel qui a traversé des tempêtes. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Buck Rogers, au 25e siècle, n'a pas seulement été une aventure spatiale, effectivement, elle a incarné une époque où la SF cherchait un héros humain avant d'être high-tech. Gilles Gérard, avec ses doutes et puis ses implications créatives, et sa relation sincère aussi avec le public fait que ce Buck Rogers n'est pas qu'un costume brillant dans l'espace, il en est devenu une figure profondément attachante et durable pour toute une génération de fans comme toi et moi. Et il a su aussi donner cette fragilité discrète, presque pudique, à travers le temps. Il nous a quittés effectivement ce mardi 16 décembre 2025 à l'âge de 82 ans. Et aujourd'hui, si les étoiles brillent un peu différemment, c'est peut-être parce que l'un des voyageurs les plus humains vient d'y laisser une trace. On va se quitter avec une chanson française chantée par Noam, sortie en 1982. Mais avant, je voudrais quand même souligner quelque chose qui pour moi me semble essentiel et que tu ne m'as pas parlé. Je ne peux pas tout dire, il faut que je fasse des choix. C'est que quand la série démarre, et on voit ça surtout dans le film, c'est qu'on lui adjoint un petit robot. Oui, tu es avec un docteur dans un espèce de cadran lumineux. Qui a disparu dans la saison 2 d'ailleurs. Et le robot, ouais, en fait, est là pour faire voyager le fameux docteur qui est censé amadouer Buck et lui proposer, vous avez fait un bond de 500 ans, mais la vie actuellement sur Terre vaut le coup d'être vécue. Donc il essaye de le driver. Et ce petit robot, en fait, au début, il est classe. C'est Tweaky. Mais à un moment donné, vu qu'il côtoie le mec qui vient, qui a fait un bond de 500 ans avec ses répliques... Il prend tous les travers. Et à un moment donné, ils sont dans un couloir, il y a une belle femme qui passe, parce que faut aussi souligner ça, c'est que dans cette série-là, les femmes sont mises en valeur, elles ont des tenues, mais c'est à tomber. C'est très court. C'est très moulant. Et donc, il y a une belle femme qui passe, et t'as le robot qui fait « Bédé, bédé, bédé, quel châssis !» Et c'est le côté léger. Il y avait des scénarios qui étaient lourds, qui étaient difficiles. Il y en avait d'autres plus léger, mais il y avait toujours ce petit robot qui était là pour détendre, un peu comme Nono dans Ulysse 31, il était là pour détendre l'atmosphère et c'était bien vu. Alors ce qu'on sait moins, c'est que celui qui jouait ce robot Tweaky qui est-il incarné, il y avait vraiment quelqu'un dedans, c'était pas un robot pour l'époque, c'est ça. Félix Silla, oui. Et il faut savoir que Gérard l'a accompagné tout au long de sa vie, ils sont restés amis. Et il a suivi vraiment, ils sont restés amis tout au long de leur parcours de vie, tout simplement. Okay. Et il l'a accompagné jusqu'à son décès un peu avant lui. Ok. Voilà. C'était une belle précision. Et là maintenant, nous allons découvrir le générique français de Buck Rogers. Car à l'époque, quand une série américaine arrivait en France, il fallait absolument franciser. Quand les séries japonaises arrivaient, on francisait. Ah, c'est une série française ? Non, ça se voit, hein, c'est japonais. Hein. Et quand les séries américaines se pointaient le bout de son nez, ah, c'est français ? Non, mais regardez bien, nous en France, faire des vaisseaux spatiaux qui se tirent dessus, est-ce que vraiment on est capable ? À l'époque, on avait Julien Fontaine, on avait Marie Pervenche dans les rues de Paris, donc c'était un peu compliqué pour nous. Mais du côté générique, on savait faire. Et alors celui-là, c'est pas le meilleur. Non, mais il est mais, bien. Hein. Mais il reste mythique. Sympa. C'est l'Odyssée héroïque des temps futurs. Park Rogers, toi tout seul dans ta fusée, tu vas dans l'espace en justicier. Park Rogers, dans les mystères de la voie lactée. Temps futurs. Pas trop cher dans toutes les galaxies. Tout seul, tu vous chasses tes ennemis. Pas trop cher dans toutes les galaxies. Pas trop cher, pas trop cher à l'infini. Tous les samedis dès 18h sur RCN, Destination Série. Yeah. Cette actu avec Laurent et Benoît. Alors attention, nous avons une intervention. Nous avons une intervention de Benoît sur Gilles Gérard. On retourne sur Gilles Gérard. Nous sommes au cœur du 7 Actu de cette semaine. Oui, c'est vrai, parce que j'aimais beaucoup cette série également. Et j'ai été touché par le petit message qui est à la fin de l'article que vous pourrez lire en entier dans Ça ira mieux, dans samedi.fr, pardon. Bon, on peut retrouver Ça ira mieux demain aussi. Et donc, il s'est... Qui revient en janvier. Et ça, il s'est exprimé peu de temps avant sa mort, oui. Comme quelques phrases testament. Et voilà ce qu'il dit à ses amis quelques jours à peine avant de mourir. Ma vie a été un voyage extraordinaire. Les opportunités que j'ai eues, les personnes que j'ai rencontrées et l'amour que j'ai donné et reçu ont rendu mes 82 années sur cette planète profondément satisfaisantes. Ce fut une belle aventure, mais qui inévitablement touche à sa fin, comme la mienne. Ne perdez pas votre temps avec des choses qui ne vous enthousiasment pas ou ne vous apportent pas d'amour. On se reverra quelque part dans le cosmos. C'est beau. J'ai trouvé ça très beau. Mmh. Voilà, c'est ce petit testament, parce qu'il devait savoir qu'il n'en avait plus pour longtemps, et il a voulu léguer ça un peu à ce qui est fou, c'est que pour un mec qui n'était pas pour les histoires de science-fiction, jusqu'au bout, il aura tenu son personnage avec lui, il l'aura gardé avec lui. Et là, ça méritait d'être dit. Voilà, c'était tout ce que je voulais rajouter. Merci Benoît. Merci. Alors, cet actu, c'est aussi Elsbeth. Oui, alors Elsbeth, on vous avait dit qu'Elsbeth revenait. Oui. Donc, Elsbeth revient bien. Oui, mais après avoir été sabrée. Ouais, c'est vrai, mais j'ai pas trouvé la date. Le 15, je crois, c'est pas le 15 janvier. Bah, c'est pas noté dessus. Bah, j'ai pas vu. Il semble avoir vu la date du 15 dans les... Ah bah, écoute, j'ai lu, relu, alors j'ai mal lu, alors. Parce qu'on parle évidemment qu'il s'est... Revient le mercredi 7 janvier en prime time. Ah, le 7, voilà. Ah, bah, alors, je sais plus lire, alors. Bah, c'est-à-dire que j'ai choisi l'article le plus détaillé. Il faut peut-être que je choisisse plus court. Non, mais j'ai mal lu, c'est tout. Non, mais c'est donc, pas effectivement, grave. On revient donc, comme on l'avait dit il y a une quinzaine de jours, elle revient donc courant en janvier, donc le 7, pour de nouvelles aventures. C'est tant mieux. Avec, après cette coupure, comme l'explique l'article, effectivement, on avait démarré la deuxième saison et hop, il y avait une coupure, puisqu'on était, ils étaient trop en avance par rapport aux États-Unis. Oui, mais il fallait doubler compagnie. On peut m'expliquer, TF1, on était surpris au détour d'un virage. C'est ce qu'on avait dit. Oh punaise, on est en train de rattraper les Américains. C'est ce qu'on avait dit, pourquoi avoir juste, dans ce cas-là, on s'arrêtait à la saison finale et on rattaquait à la saison complète. Donc voilà. Ou alors ils ont des spasmes. Non, et en plus, je pense qu'ils espéraient peut-être avoir un effet bœuf en enchaînant sur la deuxième saison. Et l'effet bœuf n'a pas eu lieu. Il faut qu'ils arrêtent avec après un démarrage plutôt sympa, ça s'était un peu effrité, la série Elsbeth. Donc voilà. Oui, parce que normalement, le démarrage, comme tu dis. Voilà, alors je ne sais pas si tu parles du démarrage de la saison 1 ou de la saison 2. Saison 2. Au fur et à mesure de la saison 1, elle démarrage la saison 2. Les Américains, je le redis, conçoivent leur série par saison et le final d'une saison te permet de te donner envie de revenir en saison 2. Si tu diffuses tout de suite la saison 2 derrière avec la résolution du cliffhanger ou le petit truc, les petits effets qu'ils ont fait, c'est sûr qu'après, on retombe dans le côté classique de la série et les histoires s'enchaînent. Donc les gens après se disent, on a notre vie, on va sur le replay et voilà, donc l'audience elle fléchit. Mais ça fait des années qu'on prêche dans le désert du côté de TF1, ils ne nous écoutent pas. Pourtant ils sont à l'écoute, mais ils ne nous écoutent pas. On leur donne des bonnes idées et ils ne nous suivent pas. C'est comme là, Joséphine, ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de nouvelles d'elle, et là enfin elle revient. Ouais, elle revient. Elle était un peu malade, je crois. Ouais, elle s'est soignée parce qu'elle avait été absente pendant 1 ou 2 ans des enfoirés. Et donc elle revient, et cette fois-ci là, j'ai bien vu la date, le 29 décembre, sur la Une, pour un nouvel épisode inédit. Elle sera également aux côtés de Jennifer Loret dans cette nouvelle intrigue où elle sera aux côtés d'une maman qui élève seule sa fille de 17 ans, comme c'est original. C'est quand même la série la plus vieille de TF1. C'est vrai, bah oui. Donc ils en font encore quoi, 2-3 par an maximum, maintenant. Oui, et encore là, à mon avis, ça ralentit. Ça ralentit vu les soucis de santé. On y tient, notre Joséphine. Et ils ont quand même encore 3 petits épisodes inédits dans les tiroirs. C'est ça. Ils vont nous les distiller pour qu'on puisse savourer. Mais c'est vrai que ça devient effectivement un peu épisodique, là.

Est-ce que ce n'est pas un signe des 12 de partout ? Ça veut dire quoi, que je vais gagner ? C'est l'alignement. Je ne sais pas, je ne sais pas. L'alignement des planètes. Mais il y a l'alignement en ce moment. Ça me perturbe. C'est Buck Rogers. Donc, il faut mettre de l'énergie. Laurent est à 9, Benoît est à 7. Voilà, moi je suis à la ramasse. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est pas mon année. Est-ce que Camille joue ? Oh, elle ne les aura pas, mais elle peut. Ok, on commence par un avis. Attention, je préviens, série vieille. Je précise, Laurent, on est sur le même style que la semaine dernière. Laurent, t'as pas envie d'aller aux toilettes ? C'est le moment. C'est parti, un avis. J'ai une cystite. Oh là là. Mais écoutez, excellente série, encore une fois, incomprise des spectateurs. Deux flics cool mènent leur enquête à bord de leur Ford Grand... Starsky Hutch. Bravo. J'ai réussi à la voir sur Starsky Hutch. Voilà. C'est pas possible. Effectivement, c'était... Starsky et Hutch, c'est un peu compliqué à dire. Starsky et Hutch. La Ford, c'était... La Ford Torino. Ouais, c'était un gros indice aussi. Ouais. Mais un bon. Véhicule que Paul Michael Glaser, pendant 4 ans, voulait envoyer contre un mur, parce que pour lui, c'était un veau. Alors, Starsky et Hutch, en série, mais pas en film, hein, on le rappelle. Voilà, voilà. Si vous voulez voir un bon film... Par contre, si vous voulez voir un bon film de Starsky et Hutch, je vous en conseille un, c'est le pilote de la série. Vous pouvez voir que le pilote. Ah oui. Après, vous laissez le reste. Oui, mais nous, on parlait du film il y a une dizaine d'années. Vous avez le film il y a une dizaine d'années où le pilote de Aaron Spelling, eh bien, regardez le pilote d'une heure et demie et ça sera top. Très bien, très bien. On note ça. Bravo, Benoît. Tu vois que t'arrives à aller vite. C'est bien. Bravo, bravo. La deuxième, c'est trois mots pour décrire une série. Et là, il n'y a pas plus facile. C'est tout pile dans le thème de l'émission. Alors attention, ça va être au plus rapide. Le premier mot est voiture. Le deuxième mot est justicier. K2000. Merci Laurent. Je l'attendais de ta part, bravo à toi. Le troisième mot c'était crime. Voilà, voiture, justicier, crime, on parlait bien de K2000. On est le 12, je devrais avoir un point. Night Rider. Night Rider. Et pourquoi c'est tout pile dans l'émission K2000 ? Ça rentre tout pile dans l'émission ? Glenn Anderson. Oui, mais c'est surtout le thème de cette année, non, un peu K2000. Non, la c'est 24, 24 heures chrono. C'est 24. Oui, mais dans la bande-annonce, on fait K2000. Il y a K2000 dans la bande-annonce, effectivement. Merci, je suis pas quand même à côté de la plaque. Mais en fait, j'ai réécouté la bande-annonce il y a pas longtemps et je me suis dit que j'en avais jamais parlé. TF1, une fois, ça va. Allez, on va me le rappeler jusqu'à la fin de ma vie, celui-là. C'est pas grave. Bref, bravo Laurent, c'était bien K2000. La troisième, c'est une charade puisque je suis là. Et attention, je suis vraiment pas sûre de celle-là. Elle est bancale. Elle est alors bancale, quand elle mais... est sûre, c'est pas évident. Alors quand elle est pas sûre, alors là... Allez, non, mais j'ai un peu... Bref, ok. Mon premier signifie « elle » en anglais. Mon second est le contraire de « beaucoup ». Mon dernier est le bruit du serpent. Mon tout est une série qui porte le même nom qu'un gâteau apéro. Ok, on y va par étapes. On recommence. Mon premier. Super Laurent, il me fait un mental breakdown. Non, mais c'est les chiffres et les lettres. Ok, mon premier signifie L en anglais. Wing. Ouais. Wing. Wing. Non, Gundam L, wing. Le pronom. Camille l'avait. Hein? Camille, c'est quoi? Chips. Bravo. Chips. Série Chips. Ouais. Eh oui. Faut expliquer. Wow. Parce que mon second est le contraire de beaucoup. Peu. Peu. Chips. Hein? Mais c'est pour ça que c'est un peu. Chips. Et le serpent fait. Chipeuse. Elle y va lettre par lettre maintenant. Alors là, bon. Ah si, chips. Voilà. Chipeuse. C'est pour ça qu'elle était bancale. Alors là, moi, je vais appeler le docteur. Bah déjà, j'avais pas. J'ai appelé le docteur Courteau. J'ai appelé mon médecin. Oui, mais merci, j'ai un Camille, problème. C'est Camille. J'ai c'est Camille que... Elle a dit la première. Chips. Donc, il a dit. Chi. Elle l'a dit à la première. Hein. Incroyable. J'ai entendu dire. Chi. She pour le pronom, elle en anglais. He, she, he. Moi j'étais comme j'étais comme Sylvain, j'étais l'oiseau, les oiseaux. Ah oui, j'aurais peut-être dû préciser. Alors c'est elle le pronom. Oui voilà, elle le pronom. Et le pronom c'est she. S-H-E. Voilà. C'est bien Camille. On l'a pas entendu son point d'anglais. Ouais, alors là j'ai sa voix. Alors dans le pré-générique de la rentrée. En anglais c'est nous avons et nous avons Camille. Qui est bilingue. S-H-E. Chi. Désolée pour cette charade un peu moins calme. Non, c'était bonne. Moi, j'ai bien aimé. C'était dans l'esprit, quoi. Bah, c'est... Ouais, parce que lui, il a compris. J'aurais pas dû porter la poisse à Sylvain avec le chiffre 12, je crois. Ah, fallait mieux pas que j'en parle. Alors, les points, on en est où alors maintenant t'es toujours devant, t'inquiète. Je suis à 12, mais. Et ben, Laurent, t'inquiète. Ah ouais. Non, ah non, j'allais dire, ah, vous êtes encore égalité, non, mais non, 12, parce que 10. Du coup, 19-12. 19-12, ça se... Voilà, voilà. Je commence à t'inquiéter. Tu me donneras les réponses, comme d'habitude, après. C'est de petit patron de ta date, Laurent, cette année qui... Hein, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Laurent, ouais, ouais. Ouais. Moi, je suis encore sur la charade. Hein. Je pense qu'au réveillon de Noël... T'écouteras le replay, ouais. Au réveillon de Nouvel An, je vais être là avec ceux qui seront autour de moi. Je leur dirai... Alors, mon premier, c'est... Mais hey, quand même, quand même. Ah oui, oui, non, mais... C'était compliqué. Un best-of des charades de Manon. Ah, j'adore faire des charades, c'est trop bien, les charades. Sans blague, il y en a des mythiques. Ouais, c'est une idée. Oui, c'est pour la fin de saison. On va sortir une compil. Normalement, cette saison, on fera que 24 épisodes. Ah, ouais, j'irai jusqu'au mois de juin avec des best-of. Et je ferai... Bon courage, bon courage, parce que les charades sont pas de ce côté. Combien, là, hein, c'est, on en est déjà à 10. Ah bah, là, on est à l'épisode... 10, mais à peu près. Là, on est à l'épisode 13. 13, c'est ça, plus de 10. Ouais, c'est, ouais, c'est vrai, là, c'est plus ça. Que 9, 9, 10, 11. Voilà, voilà. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Destination Série. C'est le dernier estampillé 2025. On se retrouve sur Fadjet et RCN en janvier. Alors, normalement, début janvier, puisqu'on participera à l'excellentissime émission de... Du Shabbat d'Alex. Voilà, donc on se retrouve très très très très vite. D'ici là, passez de bons réveillons, prenez soin de vous, ne faites pas trop de folie, et qu'on vous retrouve tous en janvier pour la deuxième partie de Destination Série saison 24. On vous embrasse tous très fort, tout le monde vous embrasse. Gros bisous, et bonne fête. Et bonne année. Et bonne année. Et Camille? Et Camille? Un bisou? Chi, S-H-I. Oui. Non. Un petit non. Bisou quand même. Oui. Bisous, alors B-I-S-O-U.